Chapitre 3e. Simple douleur. L'épithète par laquelle le juge d'instruction condamnait l'impassibilité du savant eût été plus énergique encore si le magistrat avait pu suivre M. Sixte et lire dans cette pensée de philosophe, durant le peu de temps qui séparait cet interrogatoire du rendez-vous fixé par la malheureuse mère de Robert Gresloup. Arrivé dans la grande cour du palais de justice, celui que M. Valet traitait à cet instant même de maniaque regarda tout d'abord le cadran de l'horloge, comme il convenait à un travailleur aussi minutieusement régulier. « 2h15, songea-t-il, je ne serai pas chez moi avant 3h. Madame Gresloup doit venir à 4. Il n'y a pas moyen que je me remette au travail. Voilà qui est bien désagréable. » Et il prit sur le champ la résolution de placer à ce moment sa promenade quotidienne, d'autant plus qu'il pouvait gagner le jardin des plantes le long du fleuve et par la cité dont il aimait la physionomie vieillie, la paisible douceur. Le ciel était bleu, de son bleu clair des jours de gelée, vaguement teinté de violet à l'horizon. La Seine coulait sous les ponts, verte et gaiement laborieuse, avec ses bateaux chargés où fume la cheminée d'une petite maison de bois aux vitres garnies de plantes familières. Sur le pavé sec, les chevaux trottaient allègrement. Si le philosophe perçut tous ces détails, dans le temps qu'il mit à gagner le trottoir du quai avec les précautions d'un provincial effrayé des voitures, ce fut pour lui une sensation plus inconsciente encore que d'habitude. Il continuait de penser à la révélation surprenante que le juge venait de lui faire. Mais la tête d'un philosophe est une machine si particulière que les événements n'y produisent pas l'impression directe et simple qui semble naturelle aux autres personnes. Celui-ci était en réalité 3 individus en un seul. Il y avait en lui le bonhomme Sixte, vieux garçon asservi aux soins méticuleux de sa servante, et soucieux d'abord de sa tranquillité matérielle. Il y avait ensuite le polémiste philosophique, l'auteur, pour tout dire, animé à son insu de la féroce vanité propre au moindre écrivain. Il y avait enfin le grand psychologue, passionnément attaché à tous les problèmes de la vie intérieure, et il fallait, pour qu'une idée eût accompli sa pleine action sur cet esprit, qu'elle eût traversé ces 3 compartiments. Du palais de justice jusqu'au premier pas au bord de la Seine, ce fut le bourgeois qui raisonna. « Oui, » se disait M. Sixte, répétant le mot que la vue de l'horloge lui avait arraché. « Voilà qui est bien désagréable. Une journée tout entière perdue. Et pourquoi ? Je vous demande un peu ce que j'avais à faire avec toute cette histoire d'assassinat et ce que mon témoignage a pu apporter à l'instruction. » Il ne se doutait pas qu'entre les mains d'un avocat habile, ses théories sur le crime et la responsabilité pouvaient devenir contre Gresloup la plus redoutable des armes. « C'était bien la peine, » continuait-il, « de me déranger. Mais ces gens ne se doutent pas de ce qu'est la vie d'un homme qui travaille. Quel minou s'abince que ce juge avec ses questions imbéciles. Pourvu qu'en effet je ne sois pas obligé d'aller comparaître à Rion devant quelques autres individus de même ordre. » Le tableau d'un départ se peignit de nouveau devant sa rêverie avec les caractères d'odieuse bousculade qu'un dérangement de cet ordre représente à un homme de cabinet que l'action désoriente et pour qui le moindre ennui physique devient un malheur véritable. Les grandes intelligences abstraites ont de ces puérilités. Le philosophe aperçut dans un éclair d'angoisse sa malle ouverte, son linge emballé, les papiers nécessaires à ses travaux actuels mis auprès de ses chemises, sa montée en fiacre, le tumulte de la gare, le wagon et ses grossières promiscuités de voisinage, l'arrivée dans une ville inconnue, les détresses de la chambre d'hôtel sans les soins de Mademoiselle Trappenard, qui lui était devenu nécessaire, quoiqu'il l'ignorât, comme à un enfant. Ce penseur si héroïquement indépendant, qui eût marché au martyr, à une autre époque, pour ses convictions, avec la fermeté d'un Bruno ou d'un Vanini, se sentit, devant l'image d'aussi médiocre tracas, saisi d'une sorte de détresse animale. Il se vit introduit dans la salle d'assises, contraint de répondre aux questions d'un président, en présence d'une foule attentive, et cela sans avoir, contre sa timidité native, un point d'appui dans une idée, ce qui est la seule racine d'énergie pour les spéculatifs purs. « C'est à ne plus recevoir aucun jeune homme, » conclut-il, profondément troublé par ses prévisions. « Je condamnerai ma porte dorénavant, mais ne devançons pas les faits. Peut-être n'aurai-je pas à subir cette corvée et tout est-il fini ?»« Fini ?» Et déjà le bourgeois casanier cédait la place dans ce monologue intérieur au second des 3 personnages emboîtés dans le philosophe, à l'écrivain d'ouvrages discuté avec passion par le public. fini, envers le moi qui va et qui vient, qui habite rue Guy de la Brosse et que cela en eût ferme de partir comme cela pour l'Auvergne en hiver et si sottement en soi, mais envers mes livres et mes idées. Quelle étrange chose que cette haine instinctive des ignorants pour des systèmes qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Un jeune homme jaloux tue une jeune fille pour empêcher qu'elle n'en épouse un autre. Ce jeune homme a été en correspondance avec un philosophe dont il étudie les ouvrages. C'est le philosophe qui est le coupable. Et me voilà devenu matérialiste, moi qui ai démontré la non-existence de la matière. » Il haussa les épaules, puis tout d'un coup une nouvelle image traversa son souvenir, celle de Marius Dumoulin, le jeune suppléant au Collège de France, l'homme qu'il détestait le plus au monde. Il vit, en même temps, comme si elles eussent été là, écrites dans une revue bien pensante, quelques-unes des formules chères à ce défenseur attitré du spiritualisme. Les funestes doctrines, le poison intellectuel distillé par des plumes que l'on voudrait croire inconscientes, le scandaleux étalage d'une psychologie de réclame et de corruption. Oui, se dit Adrien Sixte avec amertume, si celui-là ne relevait pas ce hasard qui fait d'un de mes élèves un assassin, il ne serait pas lui. C'est la psychologie qui aura tout fait. Il convient d'ajouter que Marius Dumoulin avait, lors de l'apparition de l'anatomie de la volonté, signalé dans ce livre une grave erreur. Adrien Sixte avait fondé un de ses plus ingénieux chapitres sur une soi-disant découverte d'un physiologiste allemand qu'il avait admise comme vraie et qui venait d'être démontrée inexacte. Peut-être Dumoulin, dans sa critique de l'ouvrage, avait-il souligné cette inadvertance du grand analyste avec une âpreté d'ironie par trop irrévérencieuse. Toujours est-il que Sixte, qui ne répondait jamais aux critiques, avait cru devoir répondre à celle-là. Tout en avouant la surprise de sa bonne foi, il n'avait pas eu de peine à établir que ce point de détail n'intéressait pas l'ensemble de sa thèse. Seulement, il avait gardé contre le spiritualiste une de ces inexpiables rancunes de savant, d'autant plus forte qu'il pouvait la mettre sur le compte du mépris pour un triste caractère, Dumoulin ayant compromis la sincérité de ses doctrines par de basses ambitions d'honneurs académiques et de grosses places. « C'est comme si je l'entendais, » songea Sixte. Ce qu'il peut dire de mes livres, ce n'est rien encore, mais la psychologie, la psychologie. C'est pourtant la science d'où dépend l'avenir de ce pays-ci. » Comme on voit, le philosophe était arrivé, semblable sur ce point aux autres systématiques, à faire de ses doctrines le centre du monde. Il raisonnait à peu près ainsi. Étant donné un fait historique, quelle en est la cause principale? Un état général des esprits. Cet état des esprits dérive lui-même des idées en cours. La Révolution française, par exemple, procède tout entière d'une conception fausse de l'homme qui découle de la philosophie cartésienne et du discours de la méthode. Il en concluait que pour modifier la marche des événements, il était nécessaire de modifier les notions reçues sur l'âme humaine et d'établir à leur place des données précises d'où résulterait une éducation et une politique nouvelles. Aussi, en s'indignant contre Dumoulin, croyait-il de bonne foi s'indigner contre un obstacle au bien public? Il eut quelques mauvaises minutes à se figurer ainsi cet adversaire détesté prenant texte de la mort de Mademoiselle de Jussas pour une vigoureuse sortie contre la science moderne de l'esprit. « Faudra-t-il lui répondre encore ?» demanda Sixte, pour qui déjà l'attaque de son rival ne faisait plus de doute, tant les passions se ressemblent tant par leur puissance à considérer comme réel ce qu'elles imaginent. « Oui. » insista-t-il, et cette fois à voix haute. « Je lui répondrai, et de ma meilleure encre. » Il se trouvait derrière le chevet de Notre-Dame. Il s'arrêta pour considérer l'architecture de ce monument. L'antique cathédrale lui symbolisait d'habitude le caractère touffu de l'esprit germanique, qui l'opposait en pensée à la simplicité de l'esprit hellénique, représenté pour lui par une photographie du Parthénon, contemplée autrefois pendant de longues séances dans la bibliothèque de Nancy. Telle était sa manière de sentir les arts. Le souvenir de l'Allemagne, subitement rappelé, changea pour une seconde le cours de sa pensée. Il évoqua presque malgré lui Hegel, puis la doctrine de l'identité des contradictoires, puis la théorie de l'évolution qui en est sortie. Cette dernière idée se rejoignit à celle qui venait de l'agiter, et tout en reprenant sa marche, il commença d'argumenter en lui-même contre les objections prévues de Dumoulin sur le cas du jeune Gréloux. Pour la première fois, depuis le début de l'entretien avec le magistrat, le drame du château de Jussas-Randon faisait réalité devant son intelligence, car il y pensait avec la portion la plus réelle de sa nature, sa faculté de psychologue. Il oublia aussi bien Dumoulin que les inconvénients possibles du voyage à Rion, et sa tête fut absorbée tout entière devant le problème moral que posait ce crime. La première question aurait dû être celle-ci. Robert Grélot a-t-il vraiment assassiné Mademoiselle de Jussat? Le philosophe n'y songea même point, s'abandonnant sans s'en rendre compte à ce défaut des esprits généralisateurs qui ne vérifient jamais qu'à demi les données sur lesquelles ils spéculent. Les faits ne sont pour eux qu'une matière à exploitation théorique et ils les déforment volontiers pour mieux échafauder leur système. Celui-ci reprit la formule par laquelle il s'était résumé ce drame à lui-même. Un jeune homme qui devient jaloux et qui tue, voilà une preuve de plus à l'appui de ma thèse que l'instinct de la destruction et celui de l'amour s'éveillent ensemble chez le mal. Il s'était servi de ce principe pour écrire dans sa théorie des passions un chapitre d'une extraordinaire audace sur les aberrations du sens génésique. La réapparition de l'animalité féroce chez le civilisé suffirait seule à expliquer cet acte. Il faudrait aussi étudier l'hérédité personnelle de l'assassin. Il s'efforça de se représenter Robert Grélot sans parvenir à ressusciter de cette image d'autres traits que ceux qui confirmaient l'hypothèse déjà ébauchée dans sa tête. Ses yeux noirs très brillants, ses gestes trop vifs, cette manière brusque d'entrer en relation avec moi, ses enthousiasmes en me parlant, il y avait du détraquement nerveux dans ce garçon. Le père est mort jeune. Si l'on établissait qu'il y a de l'alcoolisme dans cette famille, peut-être aurait-on là-bas un beau cas de ce que le grand Dussault appelle l'épilepsie larvée. Nous expliquerions ainsi le mutisme de ce jeune homme et que ses dénégations puissent être de bonne foi. C'est la différence essentielle que Dussault indique contre l'épileptique et l'aliéné. Ce dernier se souvient de ses actes. L'épileptique les oublie. Serait-ce donc un épileptique larvé? Parvenu à ce point de sa rêverie, le philosophe eut un moment de véritable joie. Il venait, suivant l'habitude de ceux de sa race, de dresser une construction d'idées qu'il prenait pour une explication. Il considéra cette hypothèse de plusieurs côtés, se remémorant divers exemples cités par son auteur dans son beau traité de médecine légale, tant et si bien qu'il arriva jusqu'au jardin des plantes, où il pénétra par la grande porte du quai Saint-Bernard. Il tourna sur sa droite par une allée plantée d'arbres anciens dont les fûts se contorsionnent, blindés de fer et recrépis de plâtre. Il flottait dans l'air devenu très vif, un sauvage relent émanait des bêtes fauves qui tournent dans leurs cages grillées, tout près de là. Le philosophe fut distrait de sa méditation par cette odeur. Il se prit à contempler un grand vieux sanglier, de hure énorme, qui, debout sur ses pattes minces, tendait son mufle, mobile et avide entre ses défenses. Et dire, songea le savant, que nous ne nous connaissons guère plus que cet animal ne se connaît. Ce que nous appelons notre personne, c'est une conscience si vague, si trouble des opérations qui s'accomplissent en nous. Et revenant à Robert Grélot, qui sait, cette préoccupation qu'avait ce jeune homme de la multiplicité du moi, n'était-ce pas un sentiment obscur qu'il y avait en lui deux états très distincts, comme une condition première et une condition seconde, deux êtres enfin, un, lucide, intelligent, honnête, amoureux des travaux de l'esprit, celui que j'ai connu, et un autre, ténébreux, cruel, impulsif, qui a tué. Évidemment, c'est un cas. Je suis bien heureux de l'avoir connu. Il oubliait qu'en sortant du palais de justice, il déplorait ses rapports avec l'accusé de Rion. Ce sera une bonne fortune que d'étudier la mère à présent. Elle me fournira des documents exacts sur les ascendants. Cela manque tant à notre psychologie. De bonnes monographies faites des visus sur la structure mentale des grands hommes et des criminels. J'essaierai de dresser celle-ci. Toute passion sincère est égoïste, les intellectuels comme les autres. Ainsi, le philosophe qui n'aurait pas, comme on dit, fait du mal à une mouche, marchait d'un pas plus allègre en s'acheminant vers la porte de la rue Cuvier, d'où il gagnerait la rue de Jussieu, puis la rue Guy-de-la-Brosse, et allait avoir une entrevue avec une mère au désespoir qui venait sans doute le supplier qu'il l'aidât à sauver la tête d'un fils peut-être innocent. Mais l'innocence possible du prévenu, la douleur de la mère, l'action qu'il sera lui-même appelé à jouer dans cette nouvelle scène, tout s'effaçait devant l'idée fixe de la note à prendre, du petit fait significatif à collectionner. 4 heures sonnaient quand ce singulier songeur, et qui ne se doutait pas plus de sa férocité qu'un médecin charmé par une belle autopsie, déboucha sur son trottoir et arriva devant sa maison. Sur le seuil de la porte cochère se tenaient deux hommes, le père Carbonnet et le commissionnaire habituellement installé au coin de la rue. Le dos tourné au côté par où venait Adrien Sixte, ils regardaient en riant les titubations d'un ivrogne égaré sur le trottoir d'en face, et ils échangeaient les propos qu'un pareil spectacle suggère aux gens du peuple. Le coq Ferdinand à leurs pieds sautelait, tout brun et lustré, et il picorait l'entre-deux du pavé. « En voilà un qui a bu un coup de trop, pour sûr de sûr, » disait le commissionnaire. « Et si je vous disais, moi, » répondait Carbonnet, « que s'il est comme ça, c'est qu'il n'a pas bu assez. Car il aurait bu davantage, il serait tombé chez le marchand de vin. Il ne serait pas à faire le lent j'y va, malhabile j'y cours, le long des murs. Bon, le voilà qui bute sur la dame en noir. » Les deux interlocuteurs, qui n'avaient pas vu venir le philosophe, lui barraient la porte. Ce dernier, avec l'aménité habituelle de ses manières, hésita une minute à les déranger. Machinalement, il suivit, lui aussi, l'ivrogne du regard. C'était un malheureux en haillons bourgeois, le chef coiffé d'un chapeau de haute forme délavé par d'innombrables averses, les pieds dansant dans des bottines crevées. Il s'était heurté à une personne en grand deuil qui se tenait debout sur le trottoir de la rue Guy-de-la-Brosse, à l'angle de la rue Linné. Sans doute, cette personne épiait du côté de cette dernière rue une arrivée qui l'intéressait beaucoup, car elle ne se retourna pas au premier moment. Mais l'homme en haillons, avec l'insistance des gens ivres, commença de faire des excuses à cette femme qui finit par s'apercevoir de cette présence. Elle s'écarta en faisant un geste de dégoût. L'ivrogne eut alors un accès subit de colère et, appuyé au mur, se mit à lui dire quelques phrases injurieuses. Il se fit autour d'eux un attroupement de plusieurs enfants qui jouaient. Le commissionnaire se prit à rire, Carbonnet de même. Puis, comme il se retournait pour chercher son coq, grommelant « Où est-il encore allé, cadencé ce futé-là ? » Il aperçut Adrien Sixte, derrière lequel Ferdinand s'était réfugié et qui s'attardait lui aussi à suivre des yeux la scène entre l'ivrogne et l'inconnu. « Ah, monsieur Sixte, » fit le concierge, « justement cette dame en noir vient de vous demander deux fois depuis un quart d'heure. Elle dit que vous l'attendiez. »« Allez la chercher, » répondit le savant, et en lui-même, « c'est la mère, » songea-t-il. Son premier mouvement fut de rentrer aussitôt, puis une espèce de timidité le retint, et il demeura là, sur le pas de la porte, tandis que le concierge, coiffé de sa casquette un peu haute, son tablier de cuir autour du corps, courait, suivi de son coq qui se hâtait derrière lui jusqu'au groupe amassé au coin de la rue. La femme n'eut pas plus tôt entendu la phrase du père Carbonnet qu'elle se dirigea, laissant là le maître de Ferdinand gourmander l'ivrogne et les enfants vers la maison du philosophe. Ce dernier, continuant d'instinct les raisonnements de la fin de sa promenade, ne put s'empêcher de remarquer tout de suite une ressemblance entre la personne mystérieuse qui venait à lui et le jeune homme sur lequel il avait été interrogé. C'était le même regard brillant, dans un visage très pâle, et la même coupe de ce maigre visage. Cette fois, il n'eut plus le moindre doute, et tout de suite, l'implacable psychologue, curieux seulement de cas à étudier, céda la place au bonhomme gauche, malhabile à la vie pratique, embrassé de son long corps et gêné jusqu'au supplice de la première phrase à prononcer. Madame Gresloup, car c'était elle en effet, lui rendit le grand service de lui dire aussitôt en l'abordant « Je suis, monsieur, la personne qui vous a écrit hier. »« Très honoré, madame, » balbutia le philosophe. « Je regrette de n'avoir pas été chez moi plus tôt, mais votre lettre disait 4 heures, et puis je sors justement de chez le juge d'instruction où j'étais appelé pour témoigner à l'occasion de votre malheureux enfant. Ah, monsieur !» dit la mère en appuyant sa main sur le bras d'Adrien Sixte pour arrêter sa phrase, et lui montrant du regard le commissionnaire qui restait dans l'angle de la porte à tendre l'oreille. « Pardon, » fit le savant qui comprit la cruauté de sa distraction. « Si vous voulez me permettre de passer devant vous pour vous montrer le chemin. » Il s'engagea sous la voûte afin de cacher la rougeur dont il se sentait couvert. Il commença de monter l'escalier qu'envahissait l'obscurité par cette fin d'une après-midi d'hiver. Il allait doucement, afin de ménager la lassitude de sa compagne qui se tenait à la rampe, comme si elle gardait à peine assez d'énergie physique pour suffire à l'effort de gravir ses 4 étages. Un souffle court, et qui s'entendait dans le silence provincial de cette maison vide, trahissait trop la faiblesse de la misérable femme. Si peu sensible aux impressions du monde extérieur que fut le philosophe, il demeura saisi d'une obscure pitié quand, une fois entré dans son cabinet au volet clos, qu'éclairait doucement le feu et la lampe allumée déjà par sa servante, il regarda sa visiteuse bien en face. Les rides creusées au coin de la bouche et le long des ailes du nez, les lèvres sèches de fièvre, le pli des sourcils contractés, les meurtrissures des paupières, l'énervement des mains gantées de noir qui maniaient un rouleau de papier, sans doute quelques mémoires justificatives. Tous les détails enfin de cette physionomie révélaient les tortures de l'idée fixe, et à peine tombée plutôt qu'assise sur le fauteuil, elle dit d'une voix brisée « mon Dieu, je suis donc arrivée trop tard. Je voulais vous parler, monsieur, avant votre entretien avec le juge, mais vous l'avez défendu, n'est-ce pas? Vous avez dit que ce n'était pas possible, qu'il n'avait pas commis ce dont on l'accuse. Vous ne le croyez pas coupable, vous, monsieur, qu'il appelait son maître, vous, qui l'aimait tant. » « Je n'ai pas eu à le défendre, madame, » dit le philosophe. « On m'a demandé quels avaient été mes relations avec lui, et comme je ne l'ai vu que deux fois, et qu'il ne m'a jamais parlé que de ses études. » « Ah !» interrompit la mère avec un profond accent d'angoisse, et elle répéta. « Je suis arrivée trop tard, mais non, » insista-t-elle en joignant ses mains qui tremblaient. « Vous viendrez, monsieur, pour déposer devant la cour d'assises qu'il ne peut pas être coupable, que vous savez qu'il ne le peut pas. On ne devient pas ainsi un assassin, un empoisonneur, d'un jour à l'autre. La jeunesse des criminels annonce leurs crimes. Ce sont des mauvais sujets, des joueurs, des coureurs de café. Mais lui, monsieur, depuis qu'il était tout enfant, avec son pauvre père, toujours dans les livres, c'était moi qui lui disais « Allons, Robert, sors, il faut sortir, prendre l'air, te distraire. » Si vous aviez vu quelle douce petite vie nous faisions, lui et moi, avant qu'il n'entrât dans cette famille maudite. Et c'est à cause de moi, c'est pour ne plus rien me coûter qu'il est entré et continué ses études. Il aurait été agrégé dans 2 ou 3 ans, puis il aurait pris une place dans un lycée, à Clermont peut-être. Je l'aurais marié. J'avais en vue pour lui un beau parti. Je serais resté là, moi, dans un coin, à soigner ses enfants. Ah, monsieur !» Et elle cherchait dans les yeux du philosophe une réponse en accord avec son passionné désir. « Dites si c'est possible qu'un fils qui avait ces idées-là ait fait ce qu'il raconte. C'est une infamie, n'est-ce pas, monsieur? C'est une infamie !»« Calmez-vous, madame, calmez-vous !» C'étaient les seuls mots qu'Adrien Sixte sut répondre à cette mère qui pleurait devant lui, d'un accent si déchirant, les ruines de ses plus intimes espérances. D'autre part, encore sous l'impression qu'il avait reçue de son entretien avec le juge, elle lui paraissait si follement égarée, hors de la vérité, en proie à des illusions si aveugles qu'il en demeurait stupéfié. Et aussi, pourquoi ne pas l'avouer, la nouvelle perspective du voyage à Rion l'épouvantait autant que ses douleurs humaines le saisissaient. Ses diverses impressions se traduisaient dans son regard par une incertitude, une absence de chaleur à laquelle la mère ne se trompa point. Les souffrances extrêmes ont les intuitions de l'instinct. Cette femme comprit que le philosophe ne croyait pas à l'innocence de son fils, et avec un geste d'accablement, se reculant de lui comme avec horreur, elle gémit. « Comment, vous aussi, monsieur? Vous êtes avec ses ennemis? Vous? Vous? » « Non, madame, non !» répondit doucement Adrien Sixte. « Je ne suis pas un ennemi. Je ne demande pas mieux que de croire ce que vous croyez, mais vous me permettrez de vous parler en toute franchise. Les faits sont les faits, et ils sont terribles contre ce malheureux enfant. » Ce poison acheté clandestinement, cette bouteille jetée par la fenêtre, cette autre bouteille vidée à moitié puis remplie d'eau, cette sortie de la chambre de la jeune fille la nuit de la mort, cette fausse dépêche, ce départ subi, ces lettres brûlées et puis ces dénégations. « Mais il n'y a pas une preuve dans tout cela, monsieur, » interrompit la mère. « Pas une. Ce départ subi, il voulait quitter sa place depuis plus d'un mois. J'ai ces lettres où il m'annonce ce projet. » Il en avait assez de cette vie de précepteur, et puis comme il est timide, il a donné un faux prétexte et inventé cette malheureuse dépêche, voilà tout. Le poison? Mais il ne l'a pas acheté secrètement. Il avait souffert de l'estomac, voici des années. Il avait tant étudié après ses repas. Cette sortie, la nuit, mais qui l'a vu? Un domestique? Et si ce domestique est payé pour accuser mon fils par le véritable assassin? Est-ce que je connais les intrigues qu'avait cette jeune fille et qui a pu avoir intérêt à la tuer? Cette bouteille jetée, cette autre à moitié remplie, ces lettres brûlées. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est la suite d'un plan pour faire tomber les soupçons sur lui? Comment? Pourquoi? Ça se découvrira un jour. Allez, ce que je sais, moi, c'est que mon fils n'est pas coupable. Je le jure sur la mémoire de son père. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai lu jusqu'au fond du cœur. Ah, croyez-vous que je le défendrais comme cela si je le sentais criminel? Je demanderais pitié, je sangloterais, je prierais. Au lieu que maintenant je crie justice, justice. Non, ces gens-là n'avaient pas le droit de l'accuser comme ils l'ont fait, de le jeter en prison, de déshonorer notre nom, pour rien. Car enfin, monsieur, je vous l'ai démontré, il n'y a pas une preuve. S'il est innocent, Alors pourquoi cette obstination à se taire ? Dit le philosophe qui pensa lui-même que la pauvre femme ne lui avait rien démontré, sinon son acharnement à lutter contre l'évidence. « Eh, s'il était coupable, il parlerait !» s'écria Madame Gresloup. « Il se défendrait, il mentirait !»« Non, » ajouta-t-elle d'une voix plus sourde, « il y a un mystère. Il sait quelque chose, cela, j'en suis sûr, qu'il ne veut pas dire. Il a quelque raison de ne pas parler. Pourquoi ? Peut-être pour ne pas la déshonorer, cette jeune fille, puisqu'il prétend qu'il l'aimait. « Ah, monsieur !» fit-elle en joignant les mains. « Si j'ai voulu à tout prix vous voir, si je quittais Rion pour 2 jours, c'était aussi pour cela. Il n'y a que vous qui puissiez le faire parler, obtenir de lui qu'il se défende, qu'il se justifie, qu'il dise. Il faut que vous me promettiez de lui écrire, de venir là-bas si vous pouvez. « Vous me devez bien cela ? » insista-t-elle d'une voix dure. « Vous m'avez tant fait souffrir. « Moi ? » interrogea le philosophe. « Oui, vous, » reprit-elle âprement. Et tandis qu'elle parlait, son visage exprimait la sombre énergie d'ancienne rancune. S'il a perdu la foi, à qui la faute ? À vous, monsieur, à vos livres. Mon Dieu, que je vous ai haï à cette époque. Je le vois encore, et sa figure, quand il m'a dit qu'il ne communierait pas le jour des morts, parce qu'il avait des doutes. Et ton père ? Lui ai-je dit, un jour des morts ? Il m'a répondu, laisse-moi, je ne crois plus, c'est fini. Il était assis à sa table, et il avait un volume devant lui, qu'il ferma en me parlant. Je me souviens, je lus le nom de l'auteur, là, machinalement, c'était le vôtre, monsieur. Je ne discutais pas avec lui ce jour-là. C'était un grand savant, déjà, et moi une pauvre ignorante. Mais le lendemain, pendant qu'il était à son collège, j'amenais M. l'abbé Martel, qui l'avait élevé, dans la chambre de travail pour lui montrer la bibliothèque. J'avais le pressentiment que c'était ses lectures qui avaient perdu mon fils. Votre livre, monsieur, était encore sur la table. M. l'abbé Martel le prit et il me dit « Celui-là, c'est le pire de tous. » « Monsieur, pardon si je vous blesse, pardon, mais voyez-vous, si mon fils était encore le chrétien qu'il a été, j'irais supplier son confesseur de lui ordonner de parler. Vous lui avez pris la foi, monsieur, je ne vous le reproche plus, je ne vous en veux plus, mais ce que j'aurais demandé au prêtre, je viens vous le demander. Si vous l'aviez entendu quand il est revenu de Paris, il me disait de vous, « Tu ne le connais pas, maman, tu le vénérerais, c'est un saint. Ah, promettez-moi de le faire parler, qu'il parle, pour moi, pour son père, pour ceux qu'il aime, pour vous, monsieur. » Qui ne pouvait pas avoir eu pour élève un assassin, car c'est votre élève, vous êtes son maître, il vous doit de se défendre, comme à moi, à sa mère. « Madame, » dit le savant avec un sérieux profond, « je vous promets de faire tout ce que je pourrai. » C'était la seconde fois de la journée que cette responsabilité de maître à élève se dressait devant lui. Elle l'avait trouvé devant le juge, tendu dans la résistance du penseur qui repousse avec dédain un reproche insensé. Les paroles de cette femme âgée, toute frémissante de cette douleur humaine à laquelle sa vie d'ermite intellectuelle l'avait si peu habituée, touchaient en lui des fibres tout autres que celles de l'orgueil. Il fut plus étrangement remué encore, quand Madame Gresloup, lui saisissant la main, reprit avec une douceur qui démentait l'âpreté de son accent de tout à l'heure. « Il m'avait bien dit que vous étiez bon, très bon. Je suis venu encore, » continua-t-elle en essuyant ses larmes. Pour m'acquitter d'une commission dont ce pauvre enfant m'a chargé. Et voyez si ce n'est pas encore une preuve qu'il est innocent. Dans sa prison, depuis 2 mois, il a mis au net tout un long travail de philosophie. « Il y tient, » m'a-t-il dit, « beaucoup, et je me suis chargé de vous le remettre. » Elle tendit au savant le rouleau de papier qu'elle tenait sur ses genoux. « Il est tel qu'il me l'a donné. On le laisse écrire là-bas tant qu'il veut, tout le monde l'aime. Comment ne pas l'aimer quand on le connaît ? Voulez-vous regarder ? Insista-t-elle, et d'une voix altérée. Il ne m'a jamais menti, et je crois que c'est ce qu'il m'a dit. Si pourtant il avait pensé vous écrire ce qu'il ne veut confier à personne. Je verrai cela tout de suite, dit Adrien Sixte, qui déplia le rouleau. Il jeta les yeux sur la première page du cahier, et il put y lire les mots Mémoire sur moi-même, et au-dessous les lignes suivantes. Je prie mon cher maître, M. Adrien Sixte, de se considérer comme engagé de parole à garder pour lui seul les pages qui suivent. S'il ne lui convient pas de prendre cet engagement vis-à-vis de son malheureux élève, je lui demande de détruire ce cahier, me fiant à son honneur pour ne pas livrer ce mémoire à qui que ce soit, même pour sauver ma tête. Et le jeune homme avait signé simplement de ses initiales. « Eh bien ?» demanda la mère, tandis que le philosophe feuilletait le cahier en proie à une anxiété profonde. Eh bien, répondit-il en posant le cahier sur son bureau, afin d'éviter les yeux inquisiteurs de Madame Gresloup, ce n'est qu'un travail de philosophie, comme il vous l'avait annoncé. La mère eut une question sur la bouche, une défiance dans les prunelles. Elle avait vu l'hésitation d'Adrien Sixte, puis elle n'osa pas, et elle se leva en disant « Vous m'excuserez de vous avoir retenu si longtemps, monsieur. J'ai mis ma dernière espérance en vous, et vous ne tromperez pas le cœur d'une mère. J'emporte votre promesse. » « Tout ce qu'il me sera possible de faire pour que la vérité soit connue, » fit gravement le philosophe, « je le ferai, madame, et je vous le promets encore une fois. » Lorsqu'il eut reconduit la pauvre femme et qu'il se trouva seul dans son cabinet, Adrien Sixte demeura longtemps plongé dans ses réflexions. Puis, prenant le manuscrit remis par Madame Gresloup, il lut et relut la phrase écrite par le jeune homme, et repoussant le cahier tentateur, il se mit à se promener dans la pièce indéfiniment. Par deux fois, il saisit ses feuillets et s'approcha du feu, puis il ne les lança pas dans les flammes. Un combat se livrait dans sa tête entre la curiosité dévorante que cette confession de son disciple éveillait en lui et des appréhensions d'ordre très divers. Il le sentait, contracter l'engagement que cette lecture lui imposait et apprendre ce qu'il pouvait apprendre par ces pages le jetterait dans une situation peut-être horrible. S'il allait tenir entre ses mains la preuve de l'innocence du jeune homme sans avoir le droit de la donner, ou ce qu'il redoutait plus encore, de sa culpabilité. Sans qu'il s'en rendît compte, il tremblait aussi dans le fond le plus intime de lui-même, de retrouver dans ce mémoire, s'il y avait crime, la trace de son influence à lui et la cruelle accusation déjà formulée deux fois que ses livres étaient mêlés à cette sinistre histoire. D'autre part, son égoïsme inconscient d'homme d'études et qui avait en horreur tout tracas, lui faisait souhaiter de ne pas entrer plus avant dans un drame auquel il n'avait pas en définitive à se mêler. « Non, conclut-il, je ne lirai pas ce mémoire. J'écrirai à ce garçon comme j'ai promis à la mère, puis ce sera fini. » L'heure de son dîner était venue parmi ses réflexions. Il mangea seul, comme toujours, assis au coin d'un poêle de faïence, très frileux, son grand confort était le chauffage, et devant une table ronde, toute petite, couverte d'une toile cirée. La lampe qui servait à ses travaux éclairait son frugal repas, composé ce soir-là, suivant l'habitude, d'un potage et d'un seul plat de légumes, avec quelques raisins secs pour dessert et pour boisson simplement de l'eau. D'ordinaire, il prenait au hasard un des livres qui garnissaient une bibliothèque exilée dans cette chambre, pour éviter l'encombrement, ou bien il écoutait Mademoiselle Trappenard lui exposer quelques détails du ménage. Ce soir-là, il ne chercha pas de livre, et sa gouvernante essaya en vain de savoir si la visite de la dame et la citation chez le juge avaient le moindre rapport. Le vent s'est élevé, un vent d'hiver dont la plainte venait mourir doucement contre les volets à travers le vaste espace vide. Assis dans son fauteuil, après son dîner, au lieu de sortir, et devant le manuscrit de Robert Gresloup, le savant écouta longtemps cette plainte monotone. Ses hésitations le reprirent, puis la psychologie l'emporta sur tous les scrupules, et quand le soir Mariette vint pour annoncer à son maître que sa couverture était faite et chercher la lampe, il lui ordonna d'aller se coucher. Deux heures sonnaient qu'il était encore à lire l'étrange morceau d'analyse que Robert avait appelé « Mémoire sur lui-même » et dont le vrai titre eût été « Confession d'un jeune homme d'aujourd'hui ».